Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a organisé vendredi le rendez-vous des représentants diplomatiques des pays asiatiques en Corée pour l'information de la situation. Y ont pris part les ambassadeurs mongols, vietnamiens, laotiens, cambodgiens, indonésiens, iraniens et indiens et le chargé d'affaires par intérim pakistanais. Le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Choi Si-chul, a dit: les États-Unis instiguent l'ONU à condamner notre dernier essai de la bombe H à charger à la fusée balistique intercontinentale et laissent entendre des propos irresponsables tels que la Corée se moque de la volonté de la communauté internationale et veut seulement la guerre. Le dernier essai est le processus normal indispensable dans la promotion parallèle du développement économique et des armements nucléaires que nous avons choisi et nul n'a le droit de la mettre en cause. À l'avenir aussi, nous renforcerons toujours la dissuasion nucléaire autodéfensive pour défendre le pouvoir et le peuple du pays contre les menaces de guerre nucléaire des États-Unis et nous ne reculerons pas d'un pouce sur notre voie. Les représentants diplomatiques asiatiques ont exprimé nettement leur compréhension à l'égard du cycle vicieux de la tension dans la péninsule coréenne à cause des témérités américaines.